情绪上升，那选到了烧，那说是你跟我选到了烧，那啥子？ Pour négro, port d'armes, viseur laser, SOK qui te touche même si tu cours négro. Minimum 1-7-6-0 pour classe sexy in biatch. FDT regarde les signes biatch, regarde les arrivées, les signes biatch. J'ai la dalle comme Gucci en 2006. Gader, SO Lotto, un tir Joe dans 2006. 6-7 va de force l'an de 2006. Ganner, trouve-moi bientôt à Dakar dans la forêt. Je mets mes pieds jaloux dans la forêt. Gader, je veux juste des sous aussi simples que ABC. Si tu t'allumes comme nous, tu peux faire des AVC. On pense plus de caca que 4 VC. Comme complot, comme ceux de ABC. Si cette qualité comme de la soie. Négro, SO Bongo. Tous les jours, RF de la Shoah. Gardez un SO Congo. Chaque jour. Cette qualité comme de la soie. Si c'est pour S, Négro, SO Bongo, SO Bongo, pétasse. Tous les jours RAF de la Shoah. RAF, désolé Négro, SO Congo, Kader. Si c'est la 7 pétasse. Fume le shit, fume la 7 pétasse. Tous les jours RAF de la Shoah.